Quoique je vécusse avec beaucoup d'économie, ma bourse insensiblement s'épuisait. Cette économie, au reste, était moins l'effet de la prudence que d'une simplicité de goût que même aujourd'hui, l'usage des grandes tables n'a point altéré. Je ne connaissais pas, et je ne connais pas encore de meilleure chère que celle d'un repas rustique, avec du laitage, des œufs, des herbes, du fromage, du pain bis et du vin passable, on est toujours sûr de me bien régaler. Mon bon appétit fera le reste, quand un maître d'hôtel et des laquais autour de moi ne me rassasieront pas de leur importun aspect. Je faisais alors de beaucoup meilleurs repas, avec 6 ou 7 soldes de dépenses, que je ne les ai fait depuis à 6 ou 7 francs. J'étais donc sobre, faute d'être tenté de ne pas l'être. Encore ai-je tort d'appeler tout cela sobriété, car j'y mettais toute la sensualité possible. Mes poires, ma jonca, mon fromage, mes grisses et quelques verres d'un gros vin de Montferrat, à couper par tranches, me rendaient le plus heureux des gourmands. Mais encore avec tout cela, pouvait-on voir la fin de 20 livres. C'était ce que j'apercevais plus sensiblement de jour en jour, et malgré les tourderies de mon âge, mon inquiétude sur l'avenir alla bientôt jusqu'à l'effroi. De tous mes châteaux en Espagne, il ne me resta que celui de chercher une occupation qui me fît vivre. Encore, n'était-il pas facile à réaliser? Je songeais à mon ancien métier, mais je ne le savais pas assez pour aller travailler chez un maître, et les maîtres même n'abondaient pas à Turin. Je pris donc, en attendant mieux, le parti d'aller m'offrir de boutique en boutique pour graver un chiffre ou des armes sur de la vaisselle, espérant tenter les gens par le bon marché en me mettant à leur discrétion. Cet expédient ne fut pas fort heureux. Je fus presque partout éconduit, et ce que je trouvais à faire était si peu de choses qu'à peine y gagnais-je quelques repas.